Sans regard et débit, ça est pour tes fratricides. Tu es crevé, mourir après. Hey crevé, hey crevé. Toujours dans l'ennui, cette merde a fini. Et je savais, et je savais.